Les peuples progressistes du monde exaltent la vie et les espoirs immortels du président Kim Il-sung. Dans les messages et lettres, les personnalités du milieu politique de divers pays, notamment le secrétaire général du Parti communiste du Congo démocratique, le secrétaire général du comité central du Parti communiste tchèque 21 et le secrétaire général adjoint du Parti islamique uni de l'Iran ont écrit que tous les gens du monde vénèrent comme un seul le camarade Kim Il-sung et que sous la direction du génie de pensée et théorie et homme politique distingué, le Parti du Travail de Corée et la République populaire démocratique de Corée ont repoussé les menées d'isolement et de suppression des impérialistes et manifesté pleinement leur puissance indéfectible. Ils ont souligné que le camarade Kim Il-sung, soleil éternel du Juche, est la grande fierté des Coréens et de l'humanité progressiste.